Le curé et le mort. Fable numéro 11 du livre 7e des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le curé et le mort. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse porté, bien et dûment empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons, et des psaumes et des leçons, et des versets et des réponses. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouard couvait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor, et de regard semblait lui dire, « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent, et tant en cire, et tant en autre menu coût. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièces, assez propettes, et sa chambrière paquette, devaient avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heurt survient. Adieu le char. Voilà messire Jean Chouard qui, du choc de son mort, a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement, toute notre vie est le curé Chouard qui sur son mort comptait, et la fable du pot au lait. Fin de Le curé et le mort. Fable numéro 11 du livre 7e des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.